Au Népal, à l'occasion des 53 ans de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le tome 3 du livre Sangun International vient d'être édité à Katmandou. Dans la salle de cérémonie de parution étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. À la cérémonie ont figuré l'auteur du livre, président du cercle d'études de la politique de Sangun du Bangladesh et ses collaborateurs, des personnalités du gouvernement, de partis politiques et formations sociales du Népal, l'ambassadeur coréen dans ce pays et ses collaborateurs, ainsi que la délégation du comité coréen pour les relations culturelles avec l'étranger. On y a adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.